sacrifie ton vœu à l'Éternel, offrant sa demeure au Dieu fort. Je n'entrerai point dans la tente de ma maison, je ne monterai point sur la couche de mon repos, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, que tes fidèles poussent des cris de joie. Car l'Éternel a choisi Sion pour demeure, il l'a désiré pour sa demeure.